Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 29e épisode de La Mécanique des Ondes sur Fréquence Protestante. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Alors aujourd'hui, je reçois un directeur de la programmation musicale. Alors c'est lui qui a le boulot dont tout le monde rêve. Je veux dire, écouter des disques toute la journée, les choisir pour les passer à l'antenne. Je le cite, la vie est courte, choisissez bien la bande son qui va avec. Je reçois aujourd'hui Jean-Patrick Laurent, directeur de la programmation musicale de WFM. Patrick Laurent, bonjour. Bonjour. Première question régulière de cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative. J'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ben, radio associative, pas vraiment, parce que en fait, moi, j'ai commencé ma carrière à RMC, donc il y a pas mal d'années maintenant. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de radios associatives. Donc, si on me parle plutôt d'associatives, je fais la relation par rapport à mon parcours plutôt à une antenne FM. Donc, c'est vrai qu'en travaillant à RMC, quand je suis arrivé, quelques années après, on a en effet créé des radios FM sur le sud, et ces radios FM, il y avait trois fréquences. C'était une fréquence classique, une fréquence middle of the road, un petit peu, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire un petit peu tout public, et puis une fréquence rock. Et puis cette fréquence rock, c'est moi qui l'ai créée, en fait. Je l'ai créée sous l'égide de Pierre Lescure, à l'époque, c'était en 81, et on était une bande de joyeux lurons, programmateurs et autres, qui avions envie de faire un petit peu les fous, de passer une musique qu'on passait pas obligatoirement dans la journée sur une radio généraliste, ce qui fait que la journée, on travaillait, en effet, moi je travaillais sur les programmes de la journée, et à partir de 21h, 22h, on se réunissait et on travaillait jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin pour créer cette radio rock, une des premières radio rock, je crois, en France d'ailleurs. Je pense que c'était à peu près peut-être à la même époque que La Voix du Lézard à Paris. Par contre, moi, j'étais à Monaco. Voilà, donc le rock à Monaco, ça existe aussi, et ça a existé en effet. Et puis, cette équipe était formidable. On a passé des moments superbes avec des jeunes trublions qui s'appelaient Alain Chabat à l'époque, qui s'appelait Jules-Édouard Moustique, qui s'appelait aussi Christophe, qui maintenant officie sur le morning de RTL2. Et puis moi-même et des camarades programmateurs avec qui on a fait toute cette antenne, quoi. C'était donc pour moi, voilà, ça évoque plutôt en effet les débuts de la FM, puisque j'ai pas vraiment connu en fait l'associative. Alors on revient un petit peu avant Jean-Patrick Laurent, parce que comment vous arrivez à la radio tout d'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis très très longtemps, comment vous y arrivez? Oui, c'est-à-dire que en fait, si je me souviens bien, c'est en fait j'ai vécu à Londres pendant 3-4 ans, dans la fin des années 60, début des années 70. Vous aviez quel âge? Oh, je me rappelle plus. À l'époque, j'étais très jeune. Et à cette époque-là, je rentrais à Paris de temps en temps, ou voir ma famille qui habitait dans la Nièvre. Je suis donc un provincial. Et j'écoutais une radio, je me rappelle, qui s'appelait sur Europe 1, Radio 2 sur Europe 1. Et cette radio était formidable. Je crois que c'était en 74, enfin début des années 70, je me rappelle plus exactement des années. Et puis j'écoutais ce son et je me disais, mais c'est génial, quoi. C'est comme les radios américaines, c'est comme Radio Caroline, c'est tout ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aurais envie de faire. La voix des animateurs était une voix quelque part on n'avait pas complètement sur les antennes généralistes de l'époque. C'était des voix jeunes, des voix avec assez grave, des voix de radio, pas la mienne évidemment. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Et j'ai essayé donc de rentrer dans les différentes radios. J'ai écrit à France Inter, j'ai écrit à Radio France du moins, j'ai écrit à RMC, à Europe 1, je crois à RTL aussi. Et puis j'ai eu un contact à un moment avec Claude Brunet. Alors je vous passe toutes les étapes pour arriver à parler à un directeur des programmes de l'époque. Peut-être moins difficile qu'aujourd'hui. Je sais pas. Je me permettrai pas de dire quoi que ce soit là-dessus, mais le fait est, c'est que c'était pas super facile et que je l'ai eu au téléphone. En fait, j'étais dans une cabine téléphonique à côté de la rue François 1er et j'ai dit voilà, je travaille à Londres, je suis DJ à Londres, j'aimerais bien faire de la radio, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'y connais rien du tout. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Est-ce qu'on peut parler et tout ça? Et il me dit bah oui, ok, rendez-vous demain à 13h. Bon. Ce que je lui dis, c'est formidable, parce que quelque part, c'est la radio Europe 1, c'est ma radio, quoi. C'est la radio dans laquelle j'ai toujours eu envie de travailler. J'écoutais Salut les copains quand j'étais gamin, les émissions du soir, enfin, sous l'oreiller, comme tout le monde, hein, à cette époque-là. Et puis on parle, et en fait, il me dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Je lui dis, moi, je voudrais rentrer dans votre équipe de Radio 2. Sur Europe 1, parce qu'elle est formidable, c'est la musique que j'aime, la musique américaine hein, de l'époque, c'est vraiment ce que j'aime, donc j'aimerais bien rentrer dans cette équipe-là. Il me dit, ça va pas être possible parce qu'il y a pas de place, déjà, d'une part. En plus, on a un Américain qui est avec nous, qui connaît toute cette culture-là, et donc on va le garder avec nous, on va peut-être attendre un peu avant de s'en séparer. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien du tout. Par contre, pourquoi vous feriez pas du micro? Et je lui dis, non, j'ai pas envie de faire du micro, c'est pas mon truc, je suis quelqu'un qui est pas assez extraverti pour faire du micro, je suis plutôt quelqu'un de timide, donc, et puis j'aime bien travailler derrière, puis non, le micro, c'est dommage, parce que on aurait pu faire des essais. Je dis, oui, si vous voulez, mais moi je le sens pas bien. Et la discussion reste là, et il me dit, écoutez, décidez-vous, vous verrez, je recherche un animateur. Et moi, à l'époque, animateur sur Europe 1, enfin, ça va vous sembler inconcevable, mais quelque part, ça m'attirait pas vraiment. Je veux dire, j'avais une envie, j'étais franchement un petit rebelle, j'avais juste envie de faire du rock'n'roll et d'arriver avec cette bande de trublions du soir sur... Il y avait Hubert, d'ailleurs, qui était un des animateurs à l'époque, et la personne qui s'en occupait, je crois que c'était, je l'ai cité tout à l'heure, c'était Claude Brunet. Et donc j'ai pas vraiment donné suite. Par contre, j'ai essayé de m'accrocher sur la programmation. Et puis il y avait pas de place puisqu'il y avait cet Américain. Et donc j'ai eu après une réponse à une de mes lettres. De RMC qui me disait on a besoin d'un programmateur en effet, mais c'est pas à Paris, c'est à Monaco, et c'est pas dans 8 jours, c'est demain. Et ben, j'ai dit si c'est demain, moi j'ai ma valise, j'y suis demain à 10h. Alors banco, et c'était parti comme ça, c'est-à-dire que je suis descendu, et puis j'ai eu, au lieu d'avoir 3 mois d'essai, j'ai dû avoir 1 mois et demi d'essai. Il a fallu que je fasse mes preuves très rapidement. C'était très difficile parce qu'on m'a un petit peu laissé, je me rappelle, à l'écart. J'ai pas eu beaucoup de possibilités de m'exprimer. Sinon, une fois où j'ai failli me faire virer tout de suite parce que j'ai enchaîné 2 anglais à la suite à l'époque sur une généraliste, ça se faisait pas. Et je me rappelle très bien, d'ailleurs, c'était Billy Preston et Eric Clapton. Et j'avais enchaîné, on m'avait donné une émission à programmer parce que l'animateur était, le programmateur était pas là. Donc voilà, on me l'avait confié et sans me dire comment il fallait faire et tout, parce que quelque part, il fallait que je fasse mes preuves et qu'on voit un petit peu qui j'étais, et ben ils ont su tout de suite. J'ai enchaîné les 2 anglais, j'ai failli me faire virer. Donc vous apprenez ce métier de programmateur sur le tas? Oui, sur le tas, complètement, parce que donc on était à RMC, RMC 1 mois et demi d'essai, au bout d'un mois et demi d'essai, le directeur m'appelle, me dit « vous avez trouvé quelque chose à Monaco, à un boulot ?» Je dis « non ». Et il me dit parce qu'il y a rien pour vous, bonsoir, c'est terminé. Donc je me dis ok, je reprends mes valises, je repars à Londres. Et puis, en sortant de la radio, la directrice de la programmation de l'époque, qui s'appelait René Ravina, me court après et me dit « Jean-Patrick, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Je m'en vais, il n'y avait rien pour moi, donc je pars. » Et je rentre à Londres, puisque c'est là où j'ai mes... Enfin, où j'ai envie de rentrer, enfin, où j'ai mes activités, si on peut s'appeler comme ça. Et elle me dit, ben écoutez, attendez-moi un quart d'heure, 20 minutes, je vais voir le directeur général, j'ai besoin d'un assistant, est-ce que vous seriez d'accord? J'ai dit, banco, sans problème. Et c'est parti comme ça, j'ai été l'assistant de la directrice de la programmation d'RMC pendant quelques mois, en fait. Alors, Jean-Patrick Laurent, ça va être le moment de la première pause musicale, j'aimerais savoir. Déjà, vous parlez beaucoup, mais c'est bien, on vous écoute. Vous avez choisi quoi? Alors, j'ai choisi, en fait, j'ai choisi Lou Reed, du moins le Velvet Underground. Pourquoi? Déjà, quand j'ai écouté le générique de votre émission qui est Catonoma, je pense que je reste dans l'esprit un c'est petit vrai. Peu. Et puis en même temps, je pense que je reste aussi un peu dans l'actualité, puisque vous savez qu'il y a l'ouverture de la grande exposition, exposition Velvet Underground pour les 50 ans de l'album à la banane. Donc Pourquoi le Velvet? Parce que le Velvet, c'est un groupe super important pour dans le format qu'on défend actuellement à OuiFM, que c'est un groupe important aussi pour moi. Le choix était difficile parce que en fait, il y avait en effet le Velvet Underground, Lou Reed, il y avait David Bowie bien sûr, premier fan du Velvet. Il y avait Alain Bachung qui pour moi est la référence française. Il y avait Joe Strummer avec Johnny Cash. Je savais plus comment faire pour choisir juste un disque. Comme quoi, c'est pour un programmateur aussi, des fois c'est difficile. C'est plus facile d'en programmer 20 que d'en programmer 1. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là, Pale Blue Eyes? Tout simplement parce que je pense que on a ce côté du Velvet Underground qui est un petit peu un groupe qui fait un peu peur, hein, très rock, très non pas aussi agressif quelque part que les Stooges, mais un côté new-yorkais un peu plus sombre. Et on a plutôt cette image-là avec I'm Waiting for the Man ou des héroïnes ou des titres qui sont un petit peu plus violents quelque part. Mais il y a aussi un côté de Lou Reed qui était un petit peu plus tendre, un petit peu plus pop, qui est donc ce titre qui figure sur le troisième album. Et en même temps, c'est aussi la BO d'un film qui est magnifique, dont je ne me rappelle plus le nom. On va le dire après la pause. On le dira après. Et c'est une jolie balade, quoi. C'est une jolie balade que j'aime bien écouter le dimanche matin quand j'ai rien à faire. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale eyes, linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop, thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. I could make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Mécanique des ondes sur fréquence protestante au son du Velvet Underground avec Pale Blue Eyes. C'est le premier choix de Jean-Patrick Laurent qui est notre invité aujourd'hui. Alors vous avez retrouvé ce titre-là, il vient de quel film ? À la verticale de l'été, en fait. C'est un film qui est sorti dans le début des années 2000, je crois, et qui marque une scène très très importante, peut-être pas, mais très très sensuelle. De l'éveil de deux jeunes, des deux jeunes acteurs japonais qui se réveillent, qui le lever du jour et tout ça. Et lui, c'est très très lent et lui commence à faire ses pompes, tout ça. Elle se réveille et tout avec des photos, des couleurs magnifiques. Et il y a ce Pale Blue Eyes qui arrive dessous et c'est juste, voilà, c'est pour ça que je disais c'est un titre que j'aime bien écouter le dimanche matin. Ça réveille en douceur. En douceur, tout cas. Voilà. Alors Jean-Patrick Laurent, vous est laissé à RMC. Pourquoi vous y restez que quelques mois ? Où ça ? À RMC, au tout début, en tant qu'assistante de la, du coup, de. Oui, non, je reste pas quelques mois. Là, c'était parti, en fait. C'est dès le moment où René Ravina m'a pris comme assistant, c'est parti. C'est 11 ans ou 12 ans, je crois, à RMC, où j'ai côtoyé, en effet, Gérard Klein. J'ai travaillé avec Gérard Klein. J'ai travaillé avec Dick Rivers. Je lui écrivais L'âge d'or du rock'n'roll. J'écrivais programmé avec lui. J'ai travaillé avec différents animateurs. Et ouais, c'est 13 ans en fait, c'est de cette vie professionnelle et puis un départ volontaire vers 86-87, j'ai l'impression, ça doit être à peu près ça, parce qu'il y avait des départs volontaires, parce que je pense aussi que il y avait des départs volontaires, donc ça changeait un petit peu, la radio changeait. Moi, au niveau de la programmation de ce que j'avais fait, j'avais peut-être fait un petit peu le tour. On avait fait Un autre âge à l'heure qu'il est, je crois, avec Marc Toesca. On avait fait Motus avec Pierre Veil, qui est maintenant journaliste sur France Inter. Et donc Dick Rivers avec L'âge d'or du rock'n'roll. Voilà, donc j'avais peut-être fait le tour. Et puis, je pensais, j'avais vraiment envie de remonter sur Paris, quoi. Donc, Paris, départ volontaire en 86, j'ai rien. Et je remonte à Paris chez un copain. Et puis, j'attends un petit peu de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des places à Paris ? C'est, les places sont chères et difficiles à trouver. Et puis, Yvonne Lebrun, avec qui j'avais travaillé à RMC, était en poste à Europe 1. M'a appelé, m'a proposé de faire un remplacement l'été à Europe 1. Évidemment, j'ai accepté. Et l'aventure Europe 1 commence à ce moment-là. Alors, vous faites un remplacement de quoi, de qui, en cet Alors, été ? Au remplacement des programmateurs, d'un programmateur qui était en vacances, comme ça se passe souvent sur les généralistes. On était quatre programmateurs à l'époque. Il y avait Maxi, Jean-Pierre Abraham. Jean-Pierre Abraham, moi, et puis une programmatrice, excuse-moi, je me rappelle plus du nom. Excuse-moi, Marie-Christine. Voilà, Marie-Christine Bloch. Donc on était cette équipe-là sous la houlette de d'Yvonne Lebrun et le directeur des programmes du moment et de la station, c'était Patrice Manfranca. Donc, au mois de septembre, une place se libère, parce que Marie-Christine, en fait, s'en va faire vers d'autres aventures. Et on me propose de rester. Et donc, j'étais bien content, parce que, quelque part, Europe 1, il fallait absolument que j'y rentre et que je fasse un petit parcours dans cette radio. Donc, Patrice Manfrancard m'engage et je commence à travailler avec différents animateurs programmés. Vous savez, programmer en généraliste, c'est pas programmé comme sur une FM, c'est, vous avez différentes tranches. Donc, vous travaillez avec, soit j'ai travaillé avec Christophe Dechavanne, avec Jean-Luc Delarue, j'ai programmé leurs émissions, j'ai évidemment aussi travaillé un petit peu plus tard avec Arthur pour Arthur et les Pirates. J'ai travaillé avec Yann Kulik sur Connexion. J'ai travaillé pour Christian Barbier, je pense, sur ouais. Barbier de nuit, où je présentais mon album de la semaine. Enfin, et puis arrive aussi une émission super importante pour moi qui s'appelle le Top Live. Le Top Live monté sous la houlette, encore une fois, de Patrice Manfrancard, qu'on a commencé à Disney et que l'on a rapatrié dans les studios de d'Europe 1, un studio qui a été construit où on pouvait à peu près accueillir 150 personnes à 200 personnes. Et là, se sont succédés un paquet d'artistes. C'était un live tous les jours de 2 heures en direct, de 21h à 23h. Direct complet, hein. C'était pas de l'enregistrer du tout, et en live. Et on avait 3 artistes par soir, 2 ou 3 artistes par soir, avec un invité témoin, un bar, qui était au bar et qui faisait un peu la jonction entre les différents, les différents artistes qui se produisaient. Et c'était assez éclectique, hein, parce que on a reçu aussi bien des artistes comme Raled, que Wynton Marsalis, que Jeff Buckley, qu'Oasis et plein d'autres. Et c'était tous les soirs une gageure, quoi. C'était formidable, c'était génial. Alors vous, c'était votre spécialité de base, c'est plutôt le rock, évidemment, mais oui. Là, vous deviez vous plier à un petit peu plus d'éclectisme, on va dire. Oui, mais c'est pas parce qu'on aime le rock et qu'on est fan de rock qu'on n'écoute pas autre chose, hein. Je veux dire, ça va, vous me rassurez. Non, j'écoute du jazz, j'écoute de la world music, j'écoute plein de choses, j'écoute Radio Nova. Je veux dire, et depuis longtemps. En fait, moi, j'ai eu une culture de généraliste. Donc, quand on travaille dans une généraliste, de toute façon, on a cette obligatoirement cette ouverture. Ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent comme moi maintenant dans une radio rock ne l'ont pas. C'est simplement que c'est un format qui est bien défini dans lequel il faut travailler et il faut inscrire la programmation. C'est différent. On travaille différemment sur une FM d'un format rock que sur une généraliste d'Europe 1. Mais dans ces belles aventures et ces beaux moments, en effet, il y a eu à Europe 1 tout cela et c'est vraiment très enrichissant, en effet. Oui. Alors, vous y restez 10 ans à Europe 1, si je ne me trompe pas. Vous partez en 1997. Pourquoi ? Ben, simplement parce que je suis viré. Patrice Blanc-Francard saute. Sur les 4 programmateurs qui restaient, Jean-Pierre et Maxi restent, parce que, quelque part, c'était aussi les plus anciens de la station. C'est normal, puisque, quelque part, Jean-Pierre Abraham était là depuis 67, je pense, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment la mémoire d'Europe 1. Les 2 qui étaient les plus jeunes, quelque part, à l'époque, c'était moi et Gérard Nublat, qui venait d'RTL, lui. Et on a sauté, Yvonne Lebrun a sauté. Tout le service programmation en définitive a sauté, puisqu'il voulait en faire une radio qui était plus basée sur le talk. Donc de là, eh bien, on se retrouve au chômage, sans savoir pourquoi. Parce qu'on vous dit ça, je me rappelle, d'ailleurs c'était le 25 août, le jour de mon anniversaire, et on me dit que ben voilà, salut, c'est fini. Donc c'est vrai que comme beaucoup de personnes de cette époque-là, qui ont fait partie de, on dit souvent une charrette, hein, on garde un souvenir pas très agréable, enfin, de cette finalité, alors que les années à Europe 1 étaient superbes, quoi. J'ai passé des grands, grands moments. Voilà. Alors, ça va être le moment de la deuxième pause musicale, oui. Jean-Patrick Laurent. Vous avez choisi quoi ? Alors, j'ai choisi Arctic Monkeys, Non, pas Arctic Monkeys, non. Mais Lapsus Révélateur, puisque c'est la Shadow Puppet, qui est un peu l'extension, si on peut dire, d'Arctic Monkeys. J'ai choisi ce titre-là, et spécialement ce groupe-là, parce que je pense que dans les 10 dernières années, c'est le groupe qui a... révolutionner, c'est un bien grand mot, mais qui est le groupe le plus important de ces 10 dernières années de la pop anglaise. Et je parle surtout, en effet, des Arctic Monkeys. La réunion, la récréation, quelque part, des Arctic Monkeys, c'est la Shadow Puppet. Ils avaient sorti un album il y a, je crois, 8 ans, qui était magnifique, qui a été encensé par toute la presse et qu'on a, nous, beaucoup passé à WFM. Ils arrivent encore avec un album qui me semble, qui pourrait peut-être être l'album de l'année, on ne sait pas. Hein. On va le découvrir ensemble, mais je vous assure que Alex Turner, c'est vraiment un petit génie. Écoutez. The Last Shadow Puppets avec Miracle Liner sur Fréquence Protestante. C'est une exclusivité que notre invité Jean-Patrick Laurent nous fait. Et pour moi, vraiment, c'est un coup de cœur. Alors, merci d'avoir amené ce morceau, en tout cas, avec vous. Très content que vous le partagiez. C'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup ce que je vous disais en micro tout à l'heure, c'est cette désinvolture d'Alex Turner, cette sorte de romantisme, ce côté. Il y a un peu de Bowie, il y a un peu de Scott Walker, il y a un peu de tout est bien digéré quelque part, et c'est vraiment. Je crois un petit génie, ce garçon-là. Il a une petite... En même temps, je suis pas sûr que ce soit un mec qui soit... C'est un sale, une sorte de sale gosse derrière. Hein, mm-hmm. Mais sympathique. Hein. Faut juste se rappeler de Sting aussi quand il était jeune. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. En 1997, vous quittez Europe 1, Jean-Patrick Laurent. Et c'est, si je ne me trompe pas, l'année où vous rentrez à WFM1. Oui. Alors, comment ça se fait? On vous appelle? Vous appelez-vous? Sortir d'Europe 1, donc un an de chômage où j'ai fait différentes choses. un petit peu de illustration sonore, une série d'émissions pour une radio à Prague, enfin des petites choses sympas. Et puis Michael Gentil, donc que je connaissais de Radio Nova, m'appelle et me dit écoute Jean-Pat, il y a une expérience, je vais reprendre UFM après à la sortie de, c'était Bruno Delport qui était le patron auparavant, Bruno qui est à Radio Nova maintenant, qui est maintenant à Radio Nova d'ailleurs, Michael qui était à Radio Nova aussi, et donc Bruno s'en va. Et je vais donc prendre la place avec l'équipe de Virgin de Branson. Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? C'est une radio rock, ça me semble être intéressant pour toi. Je dis écoute banco, parce que c'est vrai que j'ai besoin de travailler, j'ai surtout besoin de me retrouver un petit peu sur la musique que j'aime, et de faire une radio rock, et de retourner vers le rock vraiment complètement. Là, j'en ai vraiment envie. Donc, je rentre en 97. Et j'y suis depuis 97, oui, en effet. Et là, je deviens le directeur, enfin, le patron de la musique. Donc, je suis passé, quelque part, du stade de programmateur, de généraliste, hein, sur des émissions spé différentes, mm-hmm. à une radio spé dans son ensemble, et de gérer, là, 24 heures de musique non-stop. Et c'est un autre challenge, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Alors justement, il va falloir nous raconter ces 10 ans qui continuent, hein, puisque vous êtes évidemment toujours à la tête de la programmation musicale. Comment, alors on sait que cette radio a évolué effectivement avec le rachat d'Arthur de la radio, etc. Mais voilà, comment vous mettez en place, parce que là c'est du rock 24/24, c'est oui, un bonheur. Oui, c'est pour ça, vous. C'est du rock, c'est du rock pop rock, soul mélangé, mais toujours avec cet esprit rock qui guide. Les choix musicaux. On a toujours ce regard rock qui fait que on rentre les morceaux et qui vont faire la programmation de UFM en adéquation avec un cœur de cible rock. Hein, donc on peut un peu s'évader du pur rock à guitare, parce que le rock, ce n'est pas que ça. Et donc on travaille sur une adéquation. De là, on travaille pas de la même façon, parce que moi, auparavant, j'ai été éduqué à l'écriture au papier, hein, papier calque, et on amenait ça au studio. Là, je travaille avec un ordinateur, avec un sélecteur, et maintenant même avec un G sélecteur qui est super puissant et qui est la Rolls des sélecteurs. Qui gère un peu toutes les stratégies qu'on a envie de donner, qui, voilà, on rentre dans la machine, mais n'oublions jamais que, quelque part, il y a toujours un homme, ou deux ou trois, peu importe, mais il y a toujours l'homme derrière qui guide les stratégies. Donc si vos stratégies sont bonnes, ça tourne bien. Si elles sont moins bonnes, ça tourne évidemment d'une façon différente. Il faut donc, de ce fait, bien connaître le logiciel. Mais le logiciel ne fait pas tout. Par contre, il aide, c'est sûr. Donc on travaille de cette façon-là. Et puis, on défend un format. Là, on n'est plus sur une généraliste, on est sur une radio FM musicale qui s'adresse à un format rock, qui s'adresse à un public de 25 à 49, on va dire, si c'est la cible. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont avant ou derrière ou après cet âge ne peuvent pas nous écouter. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est ciblé sur ce segment de population qui aime le rock. Donc, de ce fait, on a une appréhension de la programmation qui est évidemment différente et qui rentre dans ce cadre-là. Sur UFM, puisque là on parle de UFM, on cultive, et cette radio d'ailleurs cultive depuis 87, depuis les débuts de cette radio, sa singularité. Sa singularité, elle est en effet faite par le format qu'elle défend, mais aussi par les animateurs, évidemment, par ce qu'on y raconte et autres. Mais c'est vraiment, elle est devenue quelque part, même si en effet, elle fluctue au gré des vagues musicales qui sont un petit peu différentes, dans le sens où on peut être un petit peu plus pop-rock, toujours, à une période, un petit peu plus rock avec des guitares, un petit peu plus incisif à une autre période. C'est parce qu'on est le reflet, quelque part, de la programmation, de la tendance. Maintenant, il faut pas oublier aussi que à travers cette singularité et parce qu'elle est singulière, elle a un rôle qui pour moi est super important. C'est en dehors de passer des tubes du passé, qui sont les tubes du passé, qui correspondent à un moment, moins à un autre, peu importe, mais ça c'est à nous le définir. Elle est aussi, elle a une fonction de guetteur révélateur quelque part. C'est-à-dire que si on se dit être une radio rock, pop rock, on doit être le plus possible en phase avec une scène qui existe. On doit être quelque part un petit peu au début. Un révélateur. Un révélateur. Hein. Donc cette radio, elle l'a toujours été, quelque part. Elle a toujours été dans le sens où en 87, je pense qu'ils étaient, j'étais pas avec eux, mais Noir Désir, que ce soit Noir Désir, que ce soit La Mano Negra, Les Négresses Vertes, que ce soit Louise Attaque. Moi, j'arrive au moment de Louise Attaque. On est toujours là au début. Toujours. On était là au début pour Dionysos, on est là en ce moment pour Feu Chatterton, on est là pour Radio Elvis, on est là pour, en dehors des... C'est pas des tubes pour l'instant, c'est vraiment des partis pris. Donc cette radio, elle est faite en effet de partis pris qui sont ceux que j'énonce en français, et d'autres groupes bien évidemment, et puis elle est faite aussi de gold et de gold de référencés rock et de l'histoire du rock de ces 50 dernières années. Beaucoup de radios ne fonctionnent que sur les 10 dernières années ou 20 dernières années. Nous, on fonctionne sur l'histoire du rock. C'est-à-dire que sur UFM, on peut en effet entendre un Rolling Stone, un Nirvana et la Shadow Puppet. Vous voyez, donc il y a un éventail qui est assez large, qui fait que, évidemment, les rotations sont faites un petit peu différemment par rapport aux différentes époques, mais il n'en empêche pas moins qu'à chaque fois, on raconte quand même cette histoire-là. On vous raconte quand même l'histoire que, en effet, les White Stripes, ça existe, mais Led Zeppelin, c'était aussi là avant. Et il y a toujours un petit peu cette interaction qui se fait dans la musique, qui crée un son. Qui crée le son d'une radio et notamment le son de WFM. Alors normalement, Jean-Patrick Laurent, je ne passe pas la question de l'invité précédent à ce moment-là, mais là, je vais vous faire écouter la question de l'invité précédente, qui est Daniela Lombroso. Moi, j'ai une question sur les quotas de chansons françaises à la radio, parce que ça me semble très important pour défendre la chanson française de passer des titres. Et je trouve que les radios sont toutes d'abord hyper formatées. En plus, elles essayent toutes de jongler avec les lois pour pouvoir passer au travers des quotas. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous êtes tellement attaché à la chanson et à la musique anglo-saxonne? Est-ce qu'elle est de meilleure qualité vraiment que la chanson française? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des pépites que vos auditeurs mériteraient d'avoir le droit d'entendre et de découvrir? Alors c'est une vaste question, en plus oui. D'actualité, puisque effectivement le sujet est un petit peu, on va dire, à l'honneur en ce moment. Oui, et puis que Daniela Lombroso, elle est très attachée à la variété, à la chanson française, vous le savez. La question est bonne et intéressante. Maintenant, il faut essayer de réfléchir et de se dire que on n'est pas obligé toujours de faire de la quantité. On peut aussi essayer de travailler d'une façon un peu différente. Et puis que les quotas, ça s'applique. En effet, moi, je suis pour les quotas en plus. Mais ça s'applique peut-être différemment sur des radios qui ont un format à défendre qui est différent. Je m'explique, un format rock, puisque on est sur le format que je défends au sein de WFM, passe par des périodes où les quotas, c'est pas aussi facile que ça à défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en chanson française, en expression française, au niveau du rock, il y a quelques années, et depuis quelques années, c'est plutôt un peu restreint, dans le sens où tous les groupes de rock s'expriment et chantent en anglais. La majorité. Et qui, en même temps, sont récompensés aux victoires de la musique, comme Chaka Ponk, comme Skip the Use, et autres, Lou Doyon, qui chantent tous en anglais. D'accord? Donc, le fait de passer de la chanson française, bien sûr qu'il faut le faire, hein, en expression française, il faut le faire. J'ai cité tout à l'heure Feu Chatterton. J'ai cité Radio Elvis. Voilà une nouvelle vague. Si cette nouvelle vague-là, elle est, je les programme. Et je vais même les programmer plus qu'il ne le faut pour essayer de justement faire passer ce message qu'en France, en effet, on peut aussi faire du rock et chanter en français. Respecter les quotas, je pense qu'il faut plus être en écoute, à l'écoute de ce que chaque radio est et essayer de voir comment on peut, en effet, au lieu de passer tout et n'importe quoi pour faire des quotas, c'est-à-dire de faire des mix spéciaux avec en répétant 4 fois le même mot en français pour faire du quota, je pense qu'il faut mieux défendre, essayer d'aller voir vers la qualité de l'expression française. Dans la chanson, il y a plein de chansons, en effet, de chanteurs français et une scène française en pop qui est formidable. Il y a des artistes qui ont une création qui est vraiment très, très, très intéressante en France. En rock, c'est plus difficile, mais ça commence à revenir avec des groupes que je viens de citer tout à l'heure. Ces groupes-là, de toute façon, on les défendra. Donc, c'est cette critique des radios qui ne veulent pas passer de chansons françaises, moi je la prends pas. En fait, moi elle me concerne pas. Elle me concerne pas dans le sens où d'abord je suis une radio rock, c'est une culture malgré tout anglo-saxonne, c'est vrai, donc c'est mon format, et que dedans j'essaye d'y inclure ce qu'il y a de meilleur en rock français. Et je pense que depuis pas mal d'années, on le fait parce qu'on est de toute façon au début de chaque carrière de groupe qui émerge dans le rock français, que ce soit Louise Attaque, Dionysos ou autres dont on parlait tout à l'heure, ou ceux qui viendront peut-être demain, comme Feu Chatterton et Radio Elvis. Jean-Patrick Laurent, il reste 2 minutes à l'émission. C'est le moment du questionnaire rapide. Alors, question rapide, réponse rapide. Un homme de radio qui pourrait être votre modèle? Pierre Lescure. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Europe 1. Je crois qu'on l'a bien compris. Quelle radio vous réveille le matin? OuiFM France Inter. Quelle radio vous endort le soir? OuiFM France Inter. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans la voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Quand je dors. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? Oh là. C'est difficile. C'est dur, c'est trop... Souvenir du Top Live, formidable. Mais bon, si je pars, ça va être trop long. Le OuiFM Rocks Festival, le festival de OuiFM sur la place de la République l'année dernière, c'est un moment magique, fabuleux, parce que on a monté ça avec nos petites mains, une petite équipe, et je vous assure qu'on n'est pas si nombreux que ça, et que pendant 3 jours, on fait un festival qui est digne de des petits festivals ou presque de la FNAC et autres, même si on se dit encore petit, et que c'est une radio qui monte un festival qui a franchement l'odeur d'un vrai festival. Et ça, c'est magnifique. Noël Gallagher sur la scène de la République l'année dernière, la place de la République, pardon, l'année dernière, c'était quand même un peu magique. Et pour un homme de radio, c'est aussi ça. C'est aussi 20 000 personnes devant vous, c'est la radio, on vous offre un concert, c'est les suites de votre programmation. Le pire souvenir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la seule fois où je me suis fait virer, c'est d'Europe 1 et je savais pas pourquoi. Et quand on sait pas pourquoi, c'est encore pire. C'est vrai. Pour terminer, un conseil à quelqu'un qui veut faire de la radio? C'est difficile de donner des conseils. Je dirais plutôt que il faut avoir évidemment envie, une grosse envie, et être curieux. Et être curieux, si on veut faire de la programmation, puisqu'on est avec moi dans le cadre de la programmation, la curiosité, c'est super important. Il faut être ouvert à beaucoup de choses, aller dans les concerts, être pugnace surtout, je pense. La pugnacité, c'est un bon conseil. Bon, je crois que c'est pour beaucoup de choses, d'ailleurs. Eh bien, c'est un bon mot de la fin, Jean-Patrick Laurent. Je vous remercie. Merci à vous. Cette émission, vous allez pouvoir la retrouver tout de suite sur le www.lamecaniquedesondes.com et puis bien sûr sur le site de la radio www.fréquenceprotestante.com. À bientôt.